Franco, d'où Imana. Bonjour à vous tous, nous sommes jeudi 13 août 2020. Vous êtes sur Isanganiro et c'est l'heure du journal parlé en français. En seul grand titre, puisque nous vous proposons aujourd'hui une édition spéciale sur les messages de haine qui conduisent parfois à des violences de masse. Le Burundi en a fait une expérience amère et c'est pourquoi l'opinion est unanime pour dénoncer ce genre de messages destructeurs du tissu social et estime que la loi devrait être appliquée dans sa rigueur pour que les Burundais se réconcilient définitivement avec eux-mêmes. Vous l'entendrez à travers les avis des personnes lambda et des experts interrogé par nos reporters. Et bien entendu, nous avons eu aussi notre mot à dire et c'est dans le commentaire de la rédaction qui sera lu à la fin de ce journal, mis en onde par François Akiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Comment alors se présentent ces messages de haine? Les auteurs de ces messages de haine qui se transmettent ces derniers temps à travers les réseaux sociaux comparent les gens d'ethnie différente de la leur aux animaux ou leur collent une fausse identité. Et cela conduit aux violences de masse puisque ces deux groupes finissent par se rentrer dedans. Obanyoguru. La propagation des messages de haine à travers les réseaux sociaux ou d'autres canaux de communication devient monnaie courante. Les discours de haine ou discours haineux, selon le dictionnaire Wikipédia, désignent un type de discours qui attaque une personne ou un groupe de personnes sur la base de caractéristiques diverses, que ce soit la couleur de peau, l'ethnie, l'âge, le sexe ou la religion, etc. Lorsque ces messages ne sont pas dénoncés, l'histoire a montré que les discours haineux peuvent conduire à des crimes de masse contre un groupe de personnes. Au Burundi, les messages de haine qui se transmettent ces derniers temps se basent sur la haine ethnique. Ceux qui les conçoivent et les diffusent collent à un certain groupe ethnique, différent de leur le nom des animaux ou leur donnent une identité discréditée pour jouir de la dignité humaine ou bénéficier de certains avantages comme des postes politiques. Des experts montrent qu'un groupe à qui l'on colle l'identité d'un animal finit par être victime de crimes de masse. Le groupe qui commet ces violences peut même ne pas admettre avoir commis quelque chose de mal, car ayant estimé avoir eu affaire avec des animaux. Merci Aubin Nyonguru. Et qu'en pensent les habitants du centre-ville de Bujumbura? Eh bien, ils disent être touchés quand ils lisent ou entendent des messages de haine. Ils expliquent que de tels messages peuvent être à l'origine de l'insécurité, voire des tueries. Alors, pour que ces messages soient éradiqués dans le langage de certaines personnes, ces habitants proposent la mise en application de la loi réprimant de tels actes. Suivez-les. Normalement, quand j'entends de tels messages ou quand je lis de tels messages sur les réseaux sociaux, c'est un sentiment d'abord de stupéfaction, mécontentement, et ça me rappelle le passé douloureux de ma part sur la question de discrimination. Franchement, ça m'étonne et souvent je me demande pourquoi des sanctions ne sont pas déjà établies pour que les auteurs soient sanctionnés. Quand je lis ces messages, je suis profondément touché parce que au moment actuel, il ne devrait pas y avoir ce genre de messages. D'abord, il faut un combat d'ensemble pour que les auteurs soient découragés de cette divulgation des messages haineux. Autre chose qu'il faut faire, c'est bannir les auteurs. Au niveau même des groupes, des familles, il faut que ces gens soient au moins bannis ou contrecarrés pour qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de diffuser ou de parler est à caractère provocateur, quitte à que les gens pensent qu'ils doivent se défendre contre ces gens qui diffusent ces informations. Autre chose, il faut que le gouvernement mette en place des mesures ou une loi qui punit les auteurs ou d'autres gens qui les soutiennent. Autre chose, c'est la sensibilisation à l'endroit des populations sur la cohésion sociale. J'inviterai les gens à méditer ces paroles de l'apôtre Saint Paul qu'il a adressées aux Éphésiens dans sa lettre, le chapitre 4, verset 19, où il dit « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. S'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. » Donc, Paul nous invite à prononcer des paroles qui édifient, des paroles qui encouragent les gens à vivre dans l'unité et dans l'amour. Et toutes les paroles de haine et de division ne devraient pas avoir de place dans notre société. Voilà, c'était certains habitants rencontrés dans la ville de Bujumbura et dans la province de Gitega. Des habitants dénoncent des messages de haine qui sont propagés ces derniers temps. Ils estiment que les Burundais devraient dépasser la question ethnique et par conséquent s'atteler au développement. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro trouvent que les auteurs de tels messages devraient être punis. Les gens qui utilisent encore des messages de haine restent derrière le pays et dans la paix totale. Une personne normale ne peut pas avoir un comportement pareil. Un tel comportement empêche le pays d'avancer. La question ethnique entre Hutu et Tutsi n'a plus de place au Burundi. Nous tous sommes des êtres humains. Si l'on analyse d'où vient le pays, le Burundi a déjà franchi un pas satisfaisant. Je trouve que ceux qui sèment les divisions ethniques devraient abandonner ce comportement et adopter un langage Si l'on analyse d'où vient le pays, le Burundi a déjà franchi un pas satisfaisant. Je trouve que ceux qui sèment les divisions ethniques devraient abandonner ce comportement et adopter un langage constructif qui mène au développement durable. Pour que ces propos haineux soient bannis définitivement, l'auteur devrait être isolé et condamné par tout le monde et la justice devrait le sanctionner pour montrer l'exemple et conscientiser tout un chacun sur les conséquences d'un tel comportement qui a conduit à des violences dans le passé. Et ces messages de haine ne devraient pas avoir de place aujourd'hui au Burundi. C'est l'avis du secrétaire exécutif du collectif des associations pour la réconciliation et l'appui aux victimes des crises au Burundi, CARAVI en sigle français. Eric Ngengurutse appelle les Burundais à œuvrer pour la fraternité. On l'écoute. Je dirais que les messages de haine ont été vulgarisés dans les années d'avant l'indépendance, pendant l'indépendance et après. Donc ça a endeuillé les Burundais, quitte à ce qu'aujourd'hui même on observe des messages de haine qui se propagent soit par les médias sociaux, soit par d'autres canaux d'information. C'est vraiment honteux qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, à l'époque où nous sommes, qu'il y a encore de gens qui gardent dans l'esprit ces messages de haine, alors qu'aujourd'hui, on croyait que c'était vraiment une étape. Ces messages de haine n'ont pas de sens. Pour notre collectif, je dirais qu'on a franchi un pas de géant. Au début, ça n'a pas été toujours facile, mais petit à petit, l'oiseau fait sonner. Avant, les Hutus croyaient qu'ils ont été tués par les Tutsis, les Tutsis et vice-versa. Mais à un certain moment, on s'est dit, tu es rescapé et tu es Hutu et rescapé. Il y a un Tutsi qui est Tutsi rescapé. Pourquoi ne pas se mettre ensemble et comprendre la souffrance des uns et des autres, étant victime, mais plutôt réclamer la justice plutôt que de chercher encore une fois à se venger en tant que victime. Il y a encore des gens qui propagent de ces messages à l'heure où nous sommes. Quel est le message pour que cela ne se répète plus? Les personnes qui lancent des messages de haine aujourd'hui n'ont plus de place. Que ce soit pour eux-mêmes, que ce soit pour les personnes censées destinataires du message. Que personne ne prête oreille à ces gens qui gardent ces messages de haine. Il faut plutôt que tout le monde se mette ensemble et consolider la paix, cohabiter pacifiquement là où ils sont. Eric Ngengurutse, secrétaire exécutif du collectif des associations pour la réconciliation et l'appui aux victimes des crises au Burundi. Et de l'avis de Rémi Havyarimana de la maison Lueur d'Espoir, les moments de crise qu'a connu le Burundi sont à l'origine de la prolifération des messages de haine qui persistent toujours. Il trouve que la création des centres d'écoute pour les mémoires blessées contribuerait à la prévention contre ces messages. Suivez. Nous sommes dans un pays qui est défini comme un pays post-conflit par plusieurs, mais la question est celle de savoir si réellement le Burundi est déjà sorti de la crise. Alors, si la guerre ou les confrontations des belligérants s'est arrêtée, cela ne signifie pas nécessairement que la guerre mentale ou ce qui se fait dans les pensées des gens se soit déjà clôturé. On peut enregistrer aujourd'hui beaucoup de personnes qui se comportent comme des personnes malades, mais qui malheureusement ne trouvent pas nécessairement de médecin. Alors, le fait qu'il y ait donc prolifération de paroles pleines de haine, c'est une preuve par excellence que les gens se combattent encore, peut-être pas avec les armes physiques visibles, mais avec les mots, les paroles, et qui sont beaucoup plus disséminées par les techniques modernes, à savoir avoir les médias sociaux qui facilitent la dissémination et la dispersion de ces paroles et malheureusement avec des conséquences comme on le voit. Alors, il faut que le gouvernement décide et engage, y mette des moyens pour qu'effectivement les Burundais qui ont besoin des centres d'écoute et des lieux où ils peuvent s'acheminer, avoir des gens qui les écoutent, avoir des conseils adéquats. Et ça, ça n'a pas encore eu lieu et c'est un problème très sérieux. Et là, je ne veux pas catégoriser les gens. Il y a ceux qui ont combattu, qui étaient sur le front. Ils ont des problèmes spécifiques à eux. Il y a des victimes. Ils ont des conséquences spécifiques à eux. Il y a des personnes qui ont perdu les leurs sans savoir s'ils ont été enterrés ou pas. Ils ont des problèmes spécifiques à eux. Bref, la population burundaise souffre et connaît des troubles qui doivent un jour s'arrêter. Sauf si l'on décide de laisser le temps faire son travail. Et là, ça prendra beaucoup de temps parce qu'il faudrait que toute cette génération meure. Dans combien de temps? C'est beaucoup de temps. Mais si l'on veut que l'on vive pacifiquement, il faut qu'il y ait des actions précises, spécifiques qui soient menées. C'était Rémi Habzarimana de la Maison Lueur d'Espoir. Une courte pause et ce journal, cette édition spéciale sur les messages de haine continue. Isanganiro. Même si les Burundais ont connu des divisions surtout ethniques, ils ont toujours cherché à se réconcilier. L'exemple étant la signature de la charte de l'unité nationale. C'était le 5 février 1991. Une charte qui condamne les divisions sous toutes leurs formes. De plus, les Burundais se sont encore une fois engagés à la réconciliation à travers les accords d'Arusha signés en 2000. Eline Nibele Nibigira nous fait le point sur le processus de réconciliation des Burundais. Après des violences interethniques et répétitives depuis le renversement de la monarchie en 1965, les tueries entre les Hutus et les Tutsis en 1972, puis en 1988, les Burundais ont songé à la réconciliation. Pour tenter de couper court à ces tristes événements, les Burundais se sont concertés sur la charte de l'unité nationale par référendum du 5 février 1991, ainsi promulgué le 9 février de la même année. Ce texte historique consiste à réconcilier les Burundais dans leurs différences. Nous ne cautionnerons jamais les actes et comportements divisionnistes de quelque nature que ce soit. Fin de citation. Peut-on lire dans ce texte? Cette charte condamne également la loi du talion, l'idéologie divisionniste, la vengeance et la globalisation. La charte de l'unité nationale est un pacte irrévocable et inviolable. Je cite, « Tout Murundi, présent ou à venir, qui ira à l'encontre de la présente charte, se sera rendu coupable d'un acte de trahison à l'endroit de la nation et du peuple burundais. » Fin de citation. Conclut ce texte intégré dans la constitution burundaise. Malheureusement, deux ans plus tard, après les premières élections démocratiquement organisées, le président de la République, Melchior Ndadaye, a été assassiné. Cet assassinat marque le début de la guerre civile. Les Burundais se découpent, s'entretuent sur base ethnique, le drame qui va toucher tout le territoire national. En 1994, sous l'égide des Nations Unies, le partage du pouvoir a été instauré entre les Hutus et les Tutsis, alors en conflit. Un processus qui sera compliqué par l'assassinat du président Cyprien Ntaganda dans un attentat au Rwanda en 1994. Après 10 ans de guerre civile, les Burundais se sont encore une fois engagés à vivre en harmonie dans leurs différences ethniques, régionales et religieuses. Ainsi, l'accord de paix a été signé en 2000. Cet accord prévoit des mécanismes de réconciliation dont la Commission Vérité-Réconciliation et l'Observatoire national de prévention et de lutte contre le génocide, les crimes de guerre ainsi que d'autres crimes contre l'humanité. Merci Eline Nibel Nibigira, vous venez de le dire. L'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, c'est un des mécanismes de réconciliation. Et cet organe appelle les autorités judiciaires de prendre des mesures prévues par la loi pour punir les auteurs des messages de haine. Jean de Dieu Moutabazi demande à la population de condamner de tels messages et surtout de ne pas les suivre. Parmi ces missions, pour mieux les mettre en œuvre, nous essayons de suivre les différents langages qui sont distillés, qui sont donnés et diffusés par-ci, par-là, que ce soit sur les médiums officiels, que ce soit même sur les médias sociaux. Alors, nous avons déjà entendu par-ci, par-là, effectivement, des messages de haine, des messages qui incitent les Burundais à la haine ethnique. Ce sont des messages, en fait, qui incitent à la violence et même à la guerre. Alors, ce que nous faisons, nous lançons un appel, premièrement, aux auteurs de ce genre de messages. D'abord, nous condamnons ce genre de messages, puis nous appelons les auteurs de ces messages à les arrêter et à les stopper dans l'immédiat. Mais également, nous lançons un appel aux auditeurs de ce message, condamner ce genre de messages incitateurs de haine ethnique, mais également de ne pas prêter oreille ou bien de ne pas les suivre. Et enfin, en collaboration avec l'autorité de l'État, quand ce genre d'auteur se trouve sur le sol burundais, c'est plus facile. Nous donnons comme conseil de stopper ce genre de message, mais également nous demandons à l'autorité de prendre les mesures qui sont prévues par la loi, notamment les mesures qui sont prévues dans le code pénal, le livre 2 des infractions et de leur répression en particulier concernant le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, qui ont prévu que les auteurs de ce genre d'infraction sont punis très très sévèrement et même à perpétuité. C'était Jean Dodieu Moutabazi, président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Et ces messages de haine ont pour but de déstabiliser les communautés et devraient être bannis, selon Pierre Claver Ndayichariye, président de la commission Vérité et Réconciliation. Il dit que de tels messages ne servent pas à la cause de l'unité et de la réconciliation. Il souligne que ces messages ne peuvent pas perturber les activités de cette commission qui a pour mission de chercher la vérité sur les événements douloureux qui ont endeuillé le pays. Suivez-le. Les messages de haine qui passent sur les réseaux sociaux, d'abord, il faut souhaiter que ces messages cessent. Il faut ensuite les décourager, parce que ces messages de haine ne servent pas la cause de l'unité, la cause de la réconciliation. En même temps que nous lisons, que nous analysons ces messages de haine, nous comprenons le contexte dans lequel nous sommes. La CVL du Burundi a la mission de rechercher la vérité au service de la réconciliation. Il faut aussi comprendre que ces messages viennent comme des clignotants de la déstabilisation des communautés. D'une part, il y a les victimes qui attendent depuis 40 ans, 50 ans et plus, la vérité sur les tragédies, les tueries qui ont fauché les membres de leur famille. Et le travail de la CVR que nous accomplissons aujourd'hui, c'est un travail qui est souhaité, parce que la vérité sur le passé douloureux, c'est une vérité qui libère la communauté, une vérité qui libère les familles. Est-ce que ces messages ne peuvent pas perturber les activités de la CVR? Ces messages de haine ne peuvent pas perturber le travail de la CVR, parce que le chantier de la CVR, c'est un chantier révolutionnaire. Ces messages de haine sont une étape inévitable, parce que nous avons passé plus de 40 ans à cacher la vérité. Quand la vérité sort, elle doit perturber certains, mais nous leur disons, n'ayons pas peur de la vérité, parce que c'est la vérité qui libère la communauté, les victimes et les présumés auteurs. Pierre Claver Ndayichariye, président de la commission Vérité et Réconciliation. Et dans son discours lors de son investiture en juin dernier, le président de la République a demandé aux Africains en général et aux Burundais en particulier de vivre en harmonie et dans la fraternité afin d'éviter des discussions qui sèment la haine et la division. Évariste Ndayishimiye rappelle que les Burundais partagent le même berceau, le Burundi. Suivez le président de la République, il est traduit par Ezekiel Ndikumwenayo. Nous sommes grandis dans un temps où les Burundais allaient travailler en Ouganda, les autres se rendaient à Manamba, en Tanzanie. Il faut continuer cette habitude qui permet à la population de se connaître mutuellement et à travers ce que chacun est capable de faire. Les Africains, nous avons le même berceau. C'est pourquoi on ne devrait pas céder aux divisions de la part des étrangers, car nous sommes des frères et sœurs. Nous invitons encore une fois les Burundais à éviter tout ce qui pourrait nous séparer, tel que l'ethnie, l'appartenance politique, le régionalisme et autres différences, pouvant nous faire rater l'héritage de nos ancêtres qui nous recommandent de vivre en parfaite harmonie. D'ailleurs, notre pays est le berceau de tous les Burundais. Soyons unis, évitons de jeter le tort sur tel ou tel autre. Soyons conscients que le Burundi a besoin de nous tous dans nos différences. Ayons la culture de la fraternité, que personne ne célèbre le malheur du prochain. Et c'était le président de la République, traduit par Ezekiel Ndikoumenayo. Vous l'avez suivi. Tous les intervenants ont été unanimes pour réclamer des sanctions contre ces personnes qui divulguent des messages de haine. Eh bien, la ministre de la Justice précise que ces discours sont sanctionnés par le Code pénal. Dans une interview accordée à notre station, Janine Niwizi a même indiqué que les discours de haine peuvent perturber l'ordre public. Suivez la ministre de la Justice traduite en français par Vestine Boutoui. À la technique, on me fait signe que l'élément n'est pas encore prêt. On allait passer à l'éditorial de la rédaction comme nous l'avions promis et malheureusement, je trouve que l'élément n'est pas là. Vous voudrez bien nous en excuser, mais ce n'est que partie remise. À la technique, on m'a fait signe que l'éditorial est là. Et là, on marque une courte pause juste pour attendre Elinibel Nibigira qui nous lit ce texte. Il vient de me rejoindre. Elinibel Nibigira, que pense la rédaction sur les messages de haine? Depuis, Bellurette des Burundais cohabitaient indépendamment dans leur diversité, s'entraidaient mutuellement dans leur vie quotidienne. Cette cohabitation n'était pas basée sur l'ethnie, la région, la religion, pour ne citer que cela. Cette diversité ne posait aucun problème entre les Burundais d'alors. Ils n'étaient différenciés que par leurs activités, mais avec une même culture, une même langue, ils étaient également caractérisés par le partage et l'entraide. Leurs relations étaient également caractérisées par le dialogue, les mariages mixtes, le partage de la bière locale, les inventifs n'avaient pas de place. Invective n'avait pas de place dans la société, même si les irrégularités n'en manquaient pas entre les Burundais d'alors. Après, les Burundais se sont divisés, entretués. Les uns ont même fui le pays suite à une haine ethnico-régionale entre frères. Des crises ont endeuillé le Burundi suite à ces messages de haine. Ici, l'on ne revient certainement pas sur ces dates sombres, mais permettez que l'on évoque des écrits, des messages audio véhiculés par des réseaux sociaux, ceux-ci rappelant ces périodes sombres qu'a connues le Burundi. On notera la déshumanisation, la diffamation pour ne citer que cela. Certes, ces discours provoquent des violences, mais n'en constituent que des éléments déclencheurs. Ces messages aujourd'hui propagés peuvent remuer le couteau dans la plaie, peuvent entraîner des enseignements divisionnistes, particulièrement chez la progéniture des auteurs de ces messages de haine. Espérons que les auteurs de ces messages divisionnistes ne se comptent que par le bout du doigt. Ainsi, ils sont déconsidérés et n'engagent que ceux qui les propagent. Autre chose à saluer, c'est la condamnation de ces messages par différentes institutions. Des institutions qui sont appelées à passer aux sanctions, voire sévir conformément aux différents textes. Il reste à appeler les décideurs à veiller au respect de cet arsenal juridique. Elinibel Nibigira en direct dans ce journal. C'était le commentaire de la rédaction sur les messages de haine. C'était le seul grand titre de cette édition spéciale qui a été consacré sur les messages de haine. Des messages qui conduisent parfois à des violences, vous l'avez suivi. Le Burundi en a fait une amère expérience. L'opinion est unanime pour dénoncer ces messages destructeurs du tissu social. Estime que la loi devrait être appliquée dans sa rigueur pour que les Burundais se réconcilient définitivement, vous l'avez suivi. Et même le code pénal prévoit des sanctions contre ces messages. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par François Akimana. Au micro, Jean Bosco Ndouima, on a passé un très bon après-midi. Isanganiro, Isanganiro.